avant de commencer le cours sur justement ce groupe, l'Ahbash, sachez que c'est un conseil pour l'ensemble des gens de cette mosquée, nos pères, nos frères qui viennent à la mosquée, toujours sur cette parole de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, ce grand compagnon. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Dans le sens approximatif de ces paroles, les gens posaient la question au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم à propos du bien et je le questionnais à propos du mal par peur qu'il ne m'atteigne. Et ceci est une voie légiférée qu'a emprunté nos compagnons, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, la connaissance du mal afin de s'en prémunir. Et bien sûr, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, simplement un conseil pour nous tous d'assister à ce cours qui durera une petite trentaine de minutes, en fait, juste pour la connaissance de ce groupe Al-Ahbash, comme on a fait l'explication de la réalité de certains groupes égarés comme les frères musulmans et autres, le groupe des Tablir et autres. Parce que parfois, on voit que nos pères, nos frères demandent à propos de leurs enfants, à propos de leurs frères, que fais-tu de tes journées ? Et ils sont contents lorsque ces derniers leur disent, je vais apprendre, j'apprends un petit peu ma religion, je vais à la mosquée, etc. Et cela leur suffit. Ils ne posent pas la question, qui est une question primordiale, auprès de qui tu vas apprendre cette science ? Et lorsqu'ils posent cette question, qu'ils recherchent, à savoir auprès de qui ils apprennent cette science, nous voyons que si cette personne est une personne, je dirais, habillée à la manière des gens, entre guillemets, civils, c'est-à-dire que cette personne ne porte pas le qamis, ne porte pas la barbe, etc., qui sont, comme vous le savez, des manifestations de l'islam qui sont un habit, Al-Qamis, qui était l'habit préféré de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez aussi qu'il nous ordonna de laisser nos barbes. C'est un ordre, c'est donc une obligation en religion. Al-Muhim, cette personne-là qui aura une apparence qui n'est pas l'apparence qu'a ordonné d'avoir aux musulmans notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils trouveront que ceci est une bonne chose. Alhamdulillah, il apprend auprès de quelqu'un à la mosquée avec cette personne. Ça, c'est au moment où ils vont poser la question et rechercher auprès de qui ils apprennent la science. Mais quand ils apprennent auprès d'une personne qui a la barbe et qui porte le qamis et qui a cette sunna apparente, eh bien, ils commenceront à poser des questions, à le mettre en garde. Et certaines personnes, parmi les gens de l'égarement, commenceront à leur lancer des sobriquets, chose qui, comme vous le savez, est interdite, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa la tanabadhu bil alqab, ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets, commencez à les appeler matralistes, jamiya, etc. Jamiya, hein, pas jamiya, jamiya, etc. Ils leur lancent des sobriquets et ils veulent par cela, ou hashawiya, etc. Et ils veulent par cela les gens de la sunna. Les gens de la sunna. Car les mots et les paroles et les appellations ne changent rien à la réalité d'une personne. Si une personne se revendique d'être parmi les gens de la sunna, mais si tu vois sa méthodologie et les choses à laquelle il appelle, qui sont en complète contradiction avec les fondements des gens de la sunna que nous étudions ici, cette personne-là, même s'il s'appelle Salafi, ou parmi les gens de la sunna, ou autre que cela, n'a rien à voir avec les gens de la sunna. Je prononce bien ce terme Salafi, comme vous le savez, As-Salafiyoun, comme je l'ai déjà évoqué, les gens qui suivent les pieux prédécesseurs de cette communauté, donc qui cheminent vers Allah tabaraka wa ta'ala selon le Coran et la sunna, et selon la compréhension qu'avaient nos pieux prédécesseurs, As-Salafu Salih. Comme une personne se dirait Jazairi, parce qu'il est algérien, comme une personne se dirait Maliki ou Hanbali, parce qu'il suit l'école juridique de l'imam Ahmed ou de l'imam Malik, eh bien, on se dit Salafi, car nous suivons la voie des pieux prédécesseurs. Donc, une appellation qui revient à Salafu Salih, les meilleures générations de l'islam, à commencer par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Ce n'est en aucun cas un groupe ou un parti. Comme on l'a dit dans les cours, le fait de constituer un parti politique ou des groupes ou de diviser la communauté en groupes, ceci est interdit. Vous le savez. Une personne qui s'appellerait par exemple le parti de la lumière, Hizb al-Nur al-Salafi, par exemple, comme on peut trouver dans certains pays, en l'occurrence en Égypte, qui sont en réalité des frères musulmans, des Ikhwan, Il constitue un parti politique. Il cherche par cette voie-là à arriver au pouvoir. Ce sont des ikhwan. Leur méthodologie est la méthodologie des ikhwan, même s'ils se disent salafis. Donc la réalité, l'appellation, ne va pas changer la réalité d'une personne. Et donc, comme je disais, certaines personnes parmi nos pères, parmi nos frères, lorsqu'ils posent la question à propos de leurs enfants ou de leurs frères, chez qui tu étudies, etc., ça c'est au moment où ils vont poser la question, faites bien attention. La plupart d'entre eux, ils ne posent même pas la question qu'est-ce que fait son enfant ou son frère, ou où va-t-il. Lorsqu'il lui dit qu'il apprend la religion, alhamdoulilah, il est content, il ne pose pas la question non plus, chez qui il va apprendre. Donc là, on a une deuxième catégorie de personnes. Une troisième catégorie encore au-dessus, c'est cette personne qui va poser la question et qui va regarder. Et lorsque ce sera quelqu'un avec une barbe et un qamis, qui appelle au fondement de la sunna, les gens de la sunna, soit la personne parmi les gens de la masse des musulmans, parmi nos pères par exemple ou nos frères, ils voient juste cet appareil-là et ils disent ça c'est quelqu'un qui a peut-être des pensées extrémistes. C'est ce que les gens se disent. Mais quand ils voient une personne qui est rasée, qui ne porte pas le qamis ou qui porte un qamis comme cela, comme c'est l'état de plusieurs imams dans les mosquées aux alentours comme vous le savez, à partir de là il n'y a pas de problème, il apprend avec l'imam de la mosquée. Alors que cette personne a dans ses pensée et sa méthodologie, la méthodologie des frères musulmans, la méthodologie de l'Khawarij et autre que cela. Et peut-être une personne qui a la méthodologie de l'Ahbash que nous allons traiter ici, qui pour la plupart d'entre eux, lorsque tu les vois, ils n'ont pas une sunna apparente, comme l'habit, la barbe qui est une obligation religieuse et autre que cela. Donc faites bien attention à cela. Recherchez à savoir auprès de qui vos enfants apprennent la religion et recherchez d'abord à savoir ce que font vos enfants et vos frères, à savoir auprès de qui ils prennent la religion, et la réalité de cette personne. La réalité de cette personne, ne te contente pas de savoir qu'il apprend avec l'imam un tel, ou avec une telle personne, bah, je le vois, il est comme ça, bah, j'ai une bonne pensée sur lui. Mais par contre, à partir du moment où il a un peu trop de sunna extérieur, et bien cette personne-là est quelqu'un qui a peut-être des pensées extrémistes. Allahu Akbar. Regardez comme al-mawazin, c'est-à-dire les facteurs avec lesquels on détermine qu'une personne a une voie viable ou non, de nos jours, se sont complètement inversés. À l'époque où de nos pieux prédécesseurs, parmi les meilleurs de cette communauté, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui les ont suivis dans le bien, et ceux jusqu'à maintenant, dans les communautés qui suivent cette voie, nous voyons que s'ils voient une personne, par exemple, qui ne porte pas cette sunna, qui ne fait pas ses obligations religieuses, ici je parle de la barbe, mais il y a d'autres obligations religieuses, comme le fait de voir une personne qui habite dans un endroit qui ne va pas prier avec les gens à la mosquée, etc., etc., et bien elle se posait des questions sur cette personne. C'est à ce moment-là qu'il se posait des questions. Et aujourd'hui, lorsque la personne pratique cela, ses obligations religieuses, c'est à partir de là qu'on se pose des questions sur lui. Et sans aucun doute, ceci a des causes, et on ne peut pas blâmer nos pères et nos frères par rapport à cela, parce que certaines personnes qui ont pratiqué ces œuvres apparentes de l'islam, ces obligations apparentes, ont effectivement des pensées ambiguës. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des personnes qui jugent de cela ne jugent pas selon une clairvoyance. Ils ne jugent pas ces personnes-là selon ce qu'ils savent de la méthodologie de la personne, et en particulier parce que ces personnes-là n'ont pas appris la bonne méthodologie de l'islam. Comment il pourrait juger qu'une personne est sur une bonne méthodologie ou pas? Donc à partir de là, nous devons de faire ce que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux Hudhayfa, comme dans ce hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'Imam Muslim, où il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du mal pour s'en préserver, pour s'en prémunir. Donc ces assises-là, ce ne sont pas des assises où nous allons cracher sur des musulmans, des gens qui sont de notre communauté, mais plutôt où nous allons mettre en garde contre des musulmans et parfois contre des gens qui ne sont pas musulmans, comme on a parlé sur les chiites, Rafida. Et par exemple ici sur l'Ahbash, des gens qui seraient musulmans, mais qui ont une voie égarée, qui ont un chemin égaré, ceci pour mettre en garde la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cet égarement. Et cette chose fait partie des plus hauts degrés de combat dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce combat par les réfutations, les mises en garde contre les groupes égarés, ceux qui ont cherché, en le voulant ou en ne le voulant pas, à pervertir la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pervertir pas forcément, quand on dit pervertir, forcément on pense à des grands péchés qui sont par exemple la fornication, le vol, etc., etc., le mensonge, etc. À pervertir leur pensée, leur voix, la méthodologie qu'ils empruntent, le cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est bien plus dangereux. Comme le disait As-Salaf, Ridwanallahi alayhim, où il disait que la bid'a, l'innovation est plus aimée du diable que les grands péchés, que les désobéissances à Allah tabaraka wa ta'ala. Puisque la personne qui commet une désobéissance, comme par exemple la fornication, qu'Allah nous en préserve, le vol, le meurtre, etc., cette personne sait qu'il est dans une interdiction, il sait qu'il commet un péché, une chose que Allah azzawajal déteste, alors que la personne qui commet une innovation, il pense se rapprocher d'Allah azzawajal par cette innovation. Ceci est plus dangereux. C'est pour cela que les salafs disaient que l'innovation amène la personne à la mécréance, puisque cette personne-là chemine dans de l'égarement. Et le diable cherche à te ramener vers cette mécréance. Il va commencer par t'égarer dans les chemins et les voies de l'innovation religieuse, pour ensuite t'amener vers lui, vers la mécréance. Et c'est pour cela aussi que certains parmi les salafs disaient que celui qui est innovateur, ils sont peu d'entre eux à se repentir, car ils pensent que ce qu'ils pratiquent est une adoration et un rapprochement d'Allah tabaraka wa ta'ala.